Grand C, une vraie dévotion à la Sainte Vierge est indispensable. La difficulté est donc de savoir trouver véritablement la divine Marie, pour trouver toute grâce abondante. Dieu, étant maître absolu, peut communiquer par lui-même ce qu'il ne communique ordinairement que par Marie. On ne peut nier, sans témérité, qu'il ne le fasse même quelquefois. Cependant, selon l'ordre que la divine sagesse a établi, il ne se communique ordinairement aux hommes que par Marie dans l'ordre de la grâce, comme dit saint Thomas. Il faut, pour monter et s'unir à lui, se servir du même moyen dont il s'est servi pour descendre à nous, pour se faire homme et pour nous communiquer ses grâces. Et ce moyen est une véritable dévotion à la Sainte Vierge. Grand 2, en quoi consiste la vraie dévotion à Marie? Plusieurs véritables dévotions à la Très Sainte Vierge. Il y a en effet plusieurs véritables dévotions à la Très Sainte Vierge, et je ne parle pas ici des fausses. La première consiste à s'acquitter des devoirs du chrétien, évitant le péché mortel, agissant plus par amour que par crainte, et priant de temps en temps la Sainte Vierge, et l'honorant comme la Mère de Dieu sans aucune dévotion spéciale envers elle. La seconde consiste à avoir pour la Sainte Vierge des sentiments plus parfaits d'estime, d'amour, de confiance et de vénération. Elle porte à se mettre des confréries du Saint-Rosaire, du scapulaire, à réciter le chapelet et le Saint-Rosaire, à honorer ses images et ses autels, à publier ses louanges et s'enrôler dans ses congrégations. Et cette dévotion, excluant le péché, est bonne, sainte et louable. Mais elle n'est pas si parfaite et si capable de retirer les âmes des créatures et de les détacher d'elles-mêmes pour les unir à Jésus-Christ. La troisième dévotion à la Sainte Vierge, connue et pratiquée de très peu de personnes, est celle-ci que je vais découvrir. Grand B. La parfaite pratique de dévotion à Marie. En quoi elle consiste? Âme prédestinée, elle consiste à se donner tout entier, en qualité d'esclave, à Marie et à Jésus par elle. Ensuite, à faire toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. J'explique ces paroles. Il faut choisir un jour remarquable pour se donner, se consacrer et sacrifier volontairement et par amour, sans contrainte, tout entier, sans aucune réserve, son corps et son âme, ses biens extérieurs de fortune, comme sa maison, sa famille et ses revenus, ses biens intérieurs de l'âme, savoir, ses mérites, ses grâces, ses vertus et satisfactions. Il faut remarquer ici qu'on fait sacrifice par cette dévotion à Jésus par Marie, de tout ce qu'une âme a de plus cher et dont aucune religion n'exige le sacrifice, qui est le droit qu'on a de disposer de soi-même et de la valeur de ses prières, de ses aumônes, de ses mortifications et satisfactions, en sorte qu'on en laisse l'entière disposition à la Très Sainte Vierge, pour appliquer selon sa volonté à la plus grande gloire de Dieu qu'elle seule connaît parfaitement. On laisse en sa disposition toute la valeur satisfactoire et impétratoire de ses bonnes œuvres. Ainsi, après l'oblation qu'on en a faite, quoique sans aucun vœu, on n'est plus maître de tout le bien qu'on a fait. Mais la Très Sainte Vierge peut l'appliquer tantôt à une âme du purgatoire pour la soulager ou la délivrer, tantôt à un pauvre pécheur pour le convertir. On met bien par cette dévotion ses mérites entre les mains de la Sainte Vierge, mais c'est pour les garder, les augmenter, les embellir, parce que nous ne pouvons nous communiquer les uns aux autres les mérites de la grâce sanctifiante, ni de la gloire. Mais on lui donne toutes ses prières et bonnes œuvres, en tant qu'impétratoires et satisfactoires, pour les distribuer et appliquer à qui lui plaira. Et si, après s'être ainsi consacré à la Sainte Vierge, on désire soulager quelqu'un du purgatoire, sauver quelques pécheurs, soutenir quelqu'un de nos amis par nos prières, nos aumônes, nos mortifications, nos sacrifices, il faudra le lui demander humblement et s'en tenir à ce qu'elle en déterminera sans le connaître. Étant bien persuadé que la valeur de nos actions, étant dispensée par la même main dont Dieu se sert pour nous dispenser ses grâces et ses dons, ils ne peuvent manquer d'être appliqués à sa plus grande gloire. J'ai dit que cette dévotion consiste à se donner à Marie en qualité d'esclave. Il faut remarquer qu'il y a trois sortes d'esclavage. Le premier est l'esclavage de la nature, Les hommes, bons et mauvais, sont esclaves de Dieu en cette manière. Le second, c'est l'esclavage de contraintes. Les démons et les damnés sont les esclaves de Dieu en cette manière. Le troisième, c'est l'esclavage d'amour et de volonté. Et c'est celui par lequel nous devons nous consacrer à Dieu par Marie, de la manière la plus parfaite dont une créature se puisse servir pour se donner à son Créateur. Remarquez encore qu'il y a bien de la différence entre un serviteur et un esclave. Un serviteur veut des gages pour ses services, l'esclave n'en a point. Le serviteur est libre de quitter son maître quand il voudra, et il ne le sert que pour un temps. L'esclave ne peut le quitter justement, il lui est livré pour toujours. Le serviteur ne donne pas à son maître droit de vie et de mort sur sa personne. L'esclave se donne tout entier, en sorte que son maître pourrait le faire mourir sans qu'il en fût inquiété par la justice. Mais il est aisé de voir que l'esclave de contrainte a la plus étroite des dépendances, qui ne peut proprement convenir qu'à un homme envers son Créateur. C'est pourquoi les chrétiens ne font point de tels esclaves. Il n'y a que les Turcs et les idolâtres qui en font de la sorte. Heureuse et mille fois heureuse est l'âme libérale qui se consacre à Jésus par Marie, en qualité d'esclave d'amour, après avoir secoué par le baptême l'esclavage tyrannique du démon. Excellence de cette pratique. Il me faudrait beaucoup de lumière pour décrire parfaitement l'excellence de cette pratique. Et je dirais seulement en passant que se donner ainsi à Jésus par les mains de Marie, c'est imiter Dieu le Père qui ne nous a donné son Fils que par Marie et qui ne nous communique ses grâces que par Marie. C'est imiter Dieu le Fils qui n'est venu à nous que par Marie et qui, nous ayant donné l'exemple pour faire comme il a fait, nous a sollicité à aller à lui par le même moyen par lequel il est venu à nous, qui est Marie. C'est imiter le Saint-Esprit qui ne nous communique ses grâces et ses dons que par Marie. N'est-il pas juste que la grâce retourne à son auteur, dit saint Bernard, par le même canal par lequel elle nous est venue? Aller à Jésus-Christ par Marie, c'est véritablement honorer Jésus-Christ, parce que c'est marquer que nous ne sommes pas dignes d'approcher de sa sainteté infinie directement par nous-mêmes, à cause de nos péchés, et que nous avons besoin de Marie, sa Sainte Mère, pour être notre avocate et notre médiatrice auprès de lui qui est notre médiateur. C'est en même temps s'approcher de lui comme de notre médiateur et notre frère, et nous humilier devant lui comme devant notre Dieu et notre juge. En un mot, c'est pratiquer l'humilité, qui ravit toujours le cœur de Dieu. Se consacrer ainsi à Jésus par Marie, c'est mettre entre les mains de Marie nos bonnes actions, qui, quoiqu'elles paraissent bonnes, sont très souvent souillées et indignes des regards et de l'acceptation de Dieu, devant qui les étoiles ne sont pas pures. Ah, prions cette bonne mère et maîtresse, que, ayant reçu notre pauvre présent, elle le purifie, elle le sanctifie, elle l'élève et l'embellisse de telle sorte qu'elle le rend digne de Dieu. Tous les revenus de notre âme sont moindres devant Dieu. Le père de famille, pour gagner son amitié et sa grâce, que ne serait devant le roi la pomme véreuse d'un pauvre paysan, fermier de sa majesté pour payer sa ferme? Que ferait le pauvre homme s'il avait de l'esprit et s'il était bienvenu auprès de la reine? Ami du pauvre paysan, respectueuse envers le roi, n'ôterait-elle pas de cette pomme ce qu'il y a de véreux et de gâté, et ne la mettrait-elle pas dans un bassin d'or entouré de fleurs? Et le roi pourrait-il s'empêcher de la recevoir, même avec joie, des mains de la reine qui aime ce paysan? Si vous voulez offrir quelque chose à Dieu, dit saint Bernard, mettez-le dans les mains de Marie, à moins que vous ne vouliez être rebuté. Bon Dieu, que tout ce que nous faisons est peu de choses, mais mettons-nous dans les mains de Marie par cette dévotion, comme nous nous serons donnés tout à fait à elle, autant qu'on se peut donner, en nous dépouillant de tout en son honneur, elle nous sera infiniment plus libérale. Elle nous donnera pour un œuf un bœuf. Elle se communiquera tout à nous avec ses mérites et ses vertus. Elle mettra nos présents dans le plat d'or de sa charité. Elle nous revêtira comme Rebecca fit Jacob, des beaux habits de son fils aîné et unique Jésus-Christ, c'est-à-dire de ses mérites qu'elle a à sa disposition. Et ainsi, comme ses domestiques et esclaves, après nous être dépouillés de tout pour l'honorer, nous aurons double vêtement. Vêtements, ornements, parfums, mérites et vertus de Jésus et Marie dans l'âme d'un esclave de Jésus et Marie, dépouillé de soi-même et fidèle en son dépouillement. Se donner ainsi à la Sainte Vierge est exercer dans le plus haut point qu'on peut la charité envers le prochain, puisque se faire volontairement son captif, c'est lui donner ce qu'on a de plus cher, afin qu'elle en puisse disposer à sa volonté en faveur des vivants et des morts. C'est par cette dévotion qu'on met ses grâces, ses mérites et vertus en sûreté, en faisant Marie la dépositaire et lui disant « Tenez, ma chère maîtresse, voilà ce que par la grâce de votre fils j'ai fait de bien. Je ne suis pas capable de le garder à cause de ma faiblesse et de mon inconstance, à cause du grand nombre et de la malice de mes ennemis qui m'attaquent jour et nuit. Hélas, si l'on voit tous les jours les cèdres du Liban tomber dans la boue, et des aigles s'élevant jusqu'au ciel devenir des oiseaux de nuit. 1000 justes de même tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Mais ma puissante et très puissante princesse, gardez tout mon bien de peur qu'on ne me le vole. Tenez-moi de peur que je ne tombe. Je vous confie en dépôt tout ce que j'ai. Je sais bien qui vous êtes. C'est pourquoi je me confie tout à vous. Vous êtes fidèle à Dieu et aux hommes. Et vous ne permettrez pas que rien ne périsse de ce que je vous confie. Vous êtes puissante, et rien ne peut vous nuire ni ravir ce que vous avez entre les mains. » Ce sont les paroles de Saint Bernard qui expriment en substance tout ce que je viens de dire. Quand il n'y aurait que ce seul motif pour m'exciter à cette dévotion, comme étant le moyen de me conserver et augmenter même dans la grâce de Dieu, je ne devrais respirer que feu et flamme pour elle. Cette dévotion rend une âme vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. Comme pour l'amour de Marie, on se réduit volontairement en esclavage. Cette chère maîtresse, par reconnaissance, élargit et dilate le cœur et fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Elle ôte l'ennui, la tristesse et le scrupule. Ce fut cette dévotion que notre Seigneur apprit à la chère Agnès de Langeac, religieuse morte en odeur de sainteté, comme un moyen assuré pour sortir des grandes peines et perplexités où elle se trouvait. « Fais-toi, lui dit-il, esclave de ma mère, et prends la chaînette. » Ce qu'elle fit, et dans le moment, toutes ses peines cessèrent. Pour autoriser cette dévotion, il faudrait rapporter ici toutes les bulles et les indulgences des papes et les mandements des évêques en sa faveur, les confréries établies en son honneur, l'exemple de plusieurs saints et grands personnages qui l'ont pratiqué. Mais je passe tout cela sous silence. Sa formule intérieure et son esprit. J'ai dit ensuite que cette dévotion consistait à faire toute chose avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. Ce n'est pas assez de s'être donné une fois à Marie, en qualité d'esclave. Ce n'est pas même assez de le faire tous les mois et toutes les semaines. Ce serait une dévotion toute passagère. Et elle n'élèverait pas l'âme à la perfection où elle est capable de l'élever. Il n'y a pas beaucoup de difficultés à s'enrôler dans une confrérie, à embrasser cette dévotion et à dire quelques prières vocales tous les jours, comme elle prescrit. Mais la grande difficulté est d'entrer dans l'esprit de ces deux dévotions, qui est de rendre une âme intérieurement dépendante et esclave de la très sainte Vierge et de Jésus par elle. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui, avec une ardeur admirable, se sont mises sous leur saint esclavage à l'extérieur. Mais j'en ai bien rarement trouvé qui en ait pris l'esprit et encore moins qui y ait persévéré. Agir avec Marie. La pratique essentielle de cette dévotion consiste à faire toutes ses actions avec Marie, c'est-à-dire à prendre la Sainte Vierge pour le modèle accompli de tout ce qu'on doit faire. C'est pourquoi, avant d'entreprendre quelque chose, il faut renoncer à soi-même et à ses meilleures vues. Il faut s'anéantir devant Dieu, comme de soi incapable de tout bien surnaturel et de toute action utile ou salut. Il faut recourir à la très sainte Vierge et s'unir à elle et à ses intentions, quoique inconnues. Il faut s'unir par Marie aux intentions de Jésus-Christ, c'est-à-dire se mettre comme un instrument entre les mains de la très sainte Vierge, afin qu'elle agisse en nous, de nous et pour nous comme bon lui semblera, à la plus grande gloire de son Fils, et par son Fils Jésus à la gloire du Père, en sorte qu'on ne prenne de vie intérieure et d'opération spirituelle que dépendamment d'elle. Agir en Marie. il faut faire toute chose en mari. C'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer peu à peu à se recueillir au-dedans de soi-même pour y former une petite idée ou image spirituelle de la Très Sainte Vierge. Elle sera à l'âme l'oratoire pour y faire toutes ses prières à Dieu, sans crainte d'être rebutée. La tour de David pour s'y mettre en sûreté contre tous ses ennemis. La lampe allumée pour éclairer tout l'intérieur et pour brûler de l'amour divin. Le reposoir sacré pour voir Dieu avec elle. Et enfin son unique tout auprès de Dieu, son recours universel. Si elle prie, ce sera en mari. Si elle reçoit Jésus par la Sainte Communion, elle le mettra en mari pour s'y complaire. Si elle agit, ce sera en mari. Et partout et en tout, elle produira des actes de renoncement à elle-même. Agir par Marie. Il faut n'aller jamais à notre Seigneur que par son intercession et son crédit auprès de lui, ne se trouvant jamais seul pour le prier. Agir pour Marie. Il faut faire toutes ses actions pour Marie, c'est-à-dire qu'étant esclave de cette auguste princesse, il faut qu'elle ne travaille plus que pour elle, que pour son profit, que pour sa gloire, comme fin prochaine et pour la gloire de Dieu comme fin dernière. Elle doit donc, en tout ce qu'elle fait, renoncer à son amour-propre, qui se prend presque toujours pour fin d'une manière presque imperceptible et répéter souvent du fond du cœur « Oh, ma chère maîtresse, c'est pour vous que je vais ici ou là, que je fais ceci ou cela, que je souffre cette peine ou cette injure. » Prends bien garde, âme prédestinée, de croire qu'il est plus parfait d'aller tout droit à Jésus, tout droit à Dieu dans ton opération et intention. Si tu veux y aller sans Marie, ton opération, ton intention sera de peu de valeur. Mais y allant par Marie, c'est l'opération de Marie en toi, et par conséquent elle sera très relevée et très digne de Dieu. De plus, prends bien garde de te faire violence pour sentir et goûter ce que tu dis et fais. Dis et fais tout dans la pure foi que Marie a eue sur la terre, qu'elle te communiquera avec le temps. Laisse à ta souveraine pauvre petite esclave la vue claire de Dieu, les transports, les joies, les plaisirs, les richesses, et ne prends pour toi que la pure foi, pleine de dégoût, de distraction, d'ennui, de sécheresse, dis « Amen, ainsi soit-il » à ce que fait Marie, ma maîtresse dans le ciel. C'est ce qu'elle fait de meilleur pour le présent. Prends bien garde encore de te tourmenter si tu ne jouis pas si tôt de la douce présence de la Sainte Vierge en ton intérieur. Cette grâce n'est pas faite à tous. Et quand Dieu en favorise une âme par grande miséricorde, il lui est bien aisé de la perdre si elle n'est pas fidèle à se recueillir souvent. Et si ce malheur t'arrivait, reviens doucement et fais amende honorable à ta souveraine. Les effets qu'elle produit dans l'âme fidèle. L'expérience t'en apprendra infiniment plus que je n'en dis. Et tu trouveras, si tu as été fidèle au peu que j'ai dit, si tu as été fidèle au peu que je t'ai dit, tant de richesse et de grâce en cette pratique que tu en seras surprise. Et ton âme sera toute remplie d'allégresse. Travaillons donc, chère âme, et faisons en sorte que, par cette dévotion fidèlement pratiquée, l'âme de Marie soit en nous pour glorifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en nous pour se réjouir en Dieu son Sauveur. Ce sont là les paroles de saint Ambroise. Et ne croyons pas qu'il y eut plus de gloire et de bonheur à demeurer dans le sein d'Abraham, qui est le paradis, que dans le sein de Marie, puisque Dieu y a mis son trône. Ce sont les paroles du saint abbé Guéry.